Dans le grand hall, à Orly. Ah, voilà Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Et vous, Valérie, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous, monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Moi, je suis fatigué. Eh bien, voilà le car. En route pour l'hôtel.